Allez, salut à tous et bienvenue sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et girondin33.com/écoutez-je-a. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 23h. Alors, on commence avec du retard. Mais vous avez vu le petit problème technique qu'on a eu, c'est qu'on a un CD qui marche pas et bon, on a réussi à combler les choses pour tout à l'heure. Mais voilà. On a pris un petit peu notre temps. Alors ce soir, on va parler des Girondins de Bordeaux toute la soirée. Mais qu'est-ce qu'on va dire sur les Girondins de Bordeaux ? Mais déjà que je vais troller Benjamin déjà dans quelques instants puisqu'il est parti sans se déconnecter de son compte Facebook. Ce qui me permettra de dire qu'il aime les roues et plein d'autres choses délicates que je ne peux pas dire maintenant à la radio. Bien sûr, Bernie, si tu as des idées à me passer pour polluer son compte, ça serait une bonne chose. T'es pas un crevard ? C'est dommage, je suis vraiment déçu de ta part. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien et quelqu'un de raisonnable. Donc va te faire... Comment va ta femme d'ailleurs Bernie ? Parce que Bernie est là avec nous ce soir, vous allez voir, ce soir c'est une équipe un petit peu différente de d'habitude. Il n'y a qu'un seul membre de GA qui est là autour de la table. On a un supporter en détresse qui est là, puisqu'il est supporter de Dijon, le pauvre. Et on a Bernie qui est pire qu'un supporter en détresse, puisqu'en plus de faire les désaccès, enfin, devant le match avant nous, perd ses cheveux. Et va passer sa soirée à ma compagnie, ce qui est pour dire sa détresse pour ce soir. Tu dis que je perds mes cheveux alors que toi, je te jure. Avant le mariage, compliqué. T'as intérêt à pas tous les perdre, Marco. Parce mais déjà, que déjà avant le mariage, qu'il perde pas sa femme. Et juste, on va revenir quand même. On en parle que le supporter de Dijon, sans déconner, c'est le sosie raté de Stromae. Non, mais faut arrêter avec ça. C'est bon. Allez, par contre, il va falloir que tu parles bien devant les ton gens ont le droit de savoir. Tu as raison, Bernie. Non. Si. Je ressemble pas à Stromae. Si, faut arrêter. Si. En plus, tu supportes Dijon, t'es le sosie de Stromae, t'as tout raté, toi, en fait. Ah, putain, ça, la violence, quand c'est la soirée commence bien. On est bien accueillis ici, la soirée commence bien. Y'a pas de problème. Vas-y, Marco. Téléphone, on est à oui. Attention, Bernie, il faut combler, là. Ouais, mais, oui, on va donc, combler. Donc, on va parler de ce fameux Bordeaux-Dijon, c'est fabuleux. Bordeaux-Dijon, ce qui peut être intéressant. Il y a deux anciens Bordelais, en plus, à Dijon. Dijon-Bordeaux. Je pense que les sandwichs de fin de match seront à base de moutarde. Ouais, tout à fait. Moutarde, donc ça... Avec donc, un petit vin de vin rouge. Enfin, Dijon, les vins, c'est pas non plus le top of the pop. Ah, hein. La Bourgogne, ça, c'est un très bon... Pardon non, c'est non, bien, non, la Bourgogne. Non, on parle de vin. Je suis désolé, il y a des choses qui se respectent. Le rapport qualité-prix de... Là, oui, on parle de vin. C'est bien Bordeaux, mais bon... Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais tu connais rien au foot, donc tu connais que Dalle Empinard. Non, mec, il me dit pas que le vin de Bourgogne est meilleur que celui de Bordeaux parce que je te vire du studio. Et voilà, donc, je te le dis. On va accueillir. Ok, on sait pour qui il vote, lui, cet enfoiré. Non. Putain, pour un handicapé, voter en marche, quand même, ça fait bizarre. Mais surtout en fauteuil. Allez, on va s'arrêter là-dessus. parce que pour ceux quand même qui n'ont pas le son, il faut savoir que celui qui dit ça peut pas marcher, bien évidemment. Allez, on va accueillir Rémi Chevreau, journaliste pour le journal Le Bien Public, qui suit Dijon, qui a la grande chance de suivre Dijon. Bonsoir. Bonsoir. Oula, alors par contre, je ne vous entends pas du tout, ou alors c'est moi qui suis trop faible dans mon casque. On l'entend un tout petit peu. Ok. Ah, c'est bon. Là, ça sera un peu mieux, oui. Ouais. On va monter un petit peu les sons et on va mieux t'entendre. Donc, on t'a avec nous ce soir pour parler du match de Dijon, sachant qu'on a reçu dans l'émission... Pierre Lesmélou. Voilà, Pierre Lesmélou. Pas très très loin de PNL. Ouais. Voilà, oui. Pour la petite comparaison. Il faut savoir que j'ai compris, on a un petit compte privé sur lequel, notre cher Adrien a mis la parodie du Pan Macho et je l'ai pas compris de suite. Donc on va revenir sur le... On va voir qu'est-ce que ce match-là avec un pronostic, on va voir quelle influence peut avoir ce match pour les deux équipes au vu du classement, en vue des confrontations directes pour ces deux équipes. Et puis tout à l'heure on parlera des trophées UNFP et d'un débat autour de Carasso et Costil et ensuite d'un petit Sekiki que je vais vous contacter. Concocté, ça ira. Tout va bien, Marco, ce soir. Mais tu vois, ce soir, j'ai repris. Je suis un peu comme Jean Galère. mais voilà. On a aussi des débats, donc on va introduire tout ça, mais avant on va te permettre, Rémi, de te présenter, déjà présenter un petit peu ton travail avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quels médias, pour qui tu interviens, etc. etc., etc. Bah écoute, moi je suis journaliste au bien public, c'est un peu l'équivalent, c'est même carrément l'équivalent de Sud-Ouest ici à Dijon et en Côte d'Or. Et donc moi, au quotidien, je suis le DFCO en déplacement, à l'extérieur, à l'entraînement, en stage l'été. C'est mon quotidien, je mange des... Mais tu es payé pour ça ? Eh oui, j'ai la chance de pouvoir être payé pour suivre du foot. Donc là, alors on a un supporter de Dijon autour de la table, donc vous allez vous sentir un petit peu moins seul tous les deux, en espérant. Alors moi personnellement, je vais rentrer dans le large, un petit peu dire ce que je pense. Dijon, c'est quand même l'équipe qui est en bas du tableau et qu'on aimerait quand même voir un peu plus haut vu du jeu, du plaisir qu'elle peut procurer quand on joue contre elle. Notamment pour un supporter bordelais, c'est un petit peu aussi le suspense qu'elle a amené, parce que c'est quand même l'équipe qui se laisse remonter à la 88e. Donc pour nous, c'est toujours assez sympathique et agréable. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que c'est quand même une équipe qu'on a vu évoluer avec des intentions de jeu, ne pas fermer en permanence les matchs. Moi, je me souviens du dernier match de Bordeaux contre Bastia, c'était une purge incroyable. Les mecs défendaient à 11 dans leurs 30 derniers mètres. Donc c'est vrai que parmi les Angers, Metz, Caen, Nancy, Bastia, c'est peut-être l'équipe qu'on trouve pas forcément à sa place, mais on s'était eu au téléphone un peu plus tôt dans l'après-midi, comme tu me disais, c'est surtout une équipe qui dans ses statistiques, en prenant autant de buts sur les fins de match, ne peut pas être ailleurs au classement. Ouais, non, c'est une équipe, si tu prends le classement juste sur la première période, ils sont 5e de Ligue 1. C'est, fait, c'est une équipe qui démarre très bien ses matchs, mais qui sait pas encore les finir. Après, tu parlais du jeu des Dijon. C'est une équipe qui effectivement toute l'année a été louée pour développer du jeu, et que ce soit contre les petites équipes ou même les grosses. Hein. Ils ont fait match nul à la maison contre Monaco, ils ont fait un match nul à Marseille, ils ont tapé 4-2 Lyon à Gaston-Gérard, le stade. C'est une équipe qui de toute façon ne sait pas faire qu'attendre. Ils ont des joueurs, ils ont des créateurs, ils ont envie de développer du jeu, ça fait partie de l'ADN du club, ça fait partie de l'ADN de l'entraîneur. Donc il ne faut pas s'attendre à un match fermé, même si depuis quelques temps, ils s'attellent aussi à bien défendre, parce qu'ils ont vu que jouer, c'était cool, mais à un moment ça suffisait pas pour engranger des points et pour pas se faire rattraper pendant les fins de match. Messieurs, autour de la table, j'ai une question, moi, pour revenir sur quelque chose de récent. Si je me trompe pas, la semaine dernière Dijon a joué à Angers. Peux-tu nous raconter, justement, tu parles des fins de match, victoire 3-2 de Dijon, oui, et en sachant que je crois qu'Angers marque 2 buts en 2 minutes, et que les 10 dernières minutes, c'était un peu du folklore, si je peux me permettre. C'est-à-dire que ça peut finir en 4-3 comme un 3 partout, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, pour une fois, ils ont su tenir le score. Bon, je cache pas qu'ils ont eu peur en fin de match, ils nous l'ont avoué, les joueurs en zone mixte à la fin. Ils avaient peur de revivre les scénarios qu'on a pu vivre contre Guingamp dans la saison, où ils mettent 3-1 à la maison, ils ont fait 3-3. Le scénario qui est à Bordeaux, hein, en championnat, où ils mettent 2-1. On n'en parle pas de ces matchs. Voilà, on en parle pas, mais c'est quand même un match qui est resté en travers de la gorge et des joueurs et du staff. Quand tu mènes 2-1 à la 88e avec Super 3-2, forcément, ça me fait des traces. Des mauvais souvenirs. Et ils avaient un peu peur contre Angers après avoir mis 3-0 de se faire rattraper en fin de match. Mais bon, il y avait aussi la place de marquer un quatrième, puisque Fred Samaritano tire sur la barre transversale. Ouais, exactement. Et ça aurait pas été volé, parce que je pense que sur le scénario du match, sur la physionomie du match, Dijon méritait mieux que de gagner ce match à celle du Bécart. Après, si je peux me permettre, est-ce que vous avez peur, vous, du côté de Dijon, du syndrome Furlan ? C'est-à-dire que ça joue bien, mais que ça descende ? Écoute, on n'en a pas spécialement parlé durant la saison. D'accord. Ça joue bien, c'est vrai que c'est... Ah, non, et puis, petit problème de connexion, on n'a pas entendu ce que tu disais, ça a été coupé. Ouais, je disais, donc non, on n'en parle pas trop du syndrome Furlan, du fait que ça joue bien. C'est vrai que ça, tout le monde, enfin, cette saison, le jeu dijonnais a été loué par un peu tout le monde, par les observateurs nationaux, régionaux, les clubs adverses. Comme vous l'avez dit en début d'émission, Dijon, c'est plus fort que beaucoup d'équipes, donc je pense que sur le terrain, il y a vraiment moyen de se maintenir. Et puis même sans ça, le fait qu'il y ait une place de barragiste, c'est bien pour Dijon, parce que au moins, Il y a une équipe en moins qui peut se maintenir en plus, donc c'est toujours intéressant pour nous, surtout qui faisons le maintien, donc ça peut être intéressant. Surtout que le match retour est chez le club de Ligue 1. Donc ça a déjà été... Ouais, ça a été déjà. D'accord. Ouais, c'est dès le début de saison, ça. Alors, on va s'étendre un petit peu plus sur Dijon. Dijon, 18e du championnat, 32 points, 34 journées, un goal à virage de moins 10. Ouais. C'est l'équipe qui a le goal à virage, on va dire. Le meilleur de la série. Ouais, le moins pire. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas à 32 points, mais qu'ils sont à 31 points et demi. Dijon est donc 18e. En dessous, on a Nancy, 32 points, et Bastia, 20e, avec 28 points. Donc, Bastia, c'est quasiment fait pour la Ligue 2. On va pas les condamner, mais on voit pas comment ça pourrait être autrement. Caen, 33 points et 17e, donc c'est la place qui vous irait bien en fin de saison. Ouais. Lorient, qui était 20e il y a pas si longtemps que ça, est 16e avec 34 points, goal average de moins 23. Metz est 15e avec 36 points et moins 35. Et Angers, qui est en train de jouer puisqu'ils ont un match de plus en ce moment, est à 36 points avec un goal average de 35, puisque Lyon, que l'on va suivre toute cette soirée, est en train de mener 1-0 à Angers avec un but de Mathieu Valbuena. Quand on regarde vos concurrents, je vais poser la question aux deux supporters d'Angers qui auront sûrement, de Dijon qui auront plus le calendrier en tête. Est-ce que pour l'instant Dijon est, on va dire, maître de son destin, j'ai envie de dire, ou est-ce que le calendrier de Dijon est plus compliqué que celui de Nantes, que celui de Lorient, que celui de Metz? Sur Lorient, encore Bordeaux à jouer. Caen, je crois qu'ils ont Paris et Nice. Enfin, ils ont, et Marseille. Marseille ce week-end, et ils ont Paris la dernière journée, donc ça va être quand même compliqué. Comment vous placez-vous dans cette bataille lors des 4 derniers matchs? Honnêtement, ouais, comme vous l'avez dit, c'est pas le calendrier le plus compliqué. Le match le plus dur sur le papier, c'est ce week-end, hein, c'est Bordeaux qui marche sur l'eau actuellement. Après, il y aura un déplacement à Guingamp qui n'a plus vraiment grand-chose à jouer durant la fin de saison. Il y aura une finale pour le maintien avec Nancy, dernier match à Gaston Gérard. Celui-là, il faut le gagner. 37e journée, donc celui-là, il est impératif. Il faudra le remporter. Et puis une dernière journée à Toulouse qui, à mon avis, sera en tong. Et là, on ne sait jamais ce que ça peut faire, ce genre de match. Ça peut être une équipe euphorique avant de partir en vacances, comme ils peuvent avoir complètement lâché. Donc, le maintien du jeune reste, je pense, passera en faisant le plein à la maison. Et puis, en essayant d'aller grappiller un point à l'extérieur du côté de Guingamp ou de Toulouse. Mais disons, à l'avantage du calendrier, du goal average. Et donc... c'est plus que... Enfin, je vais pas dire que c'est engagé. C'est quand même la 18e place actuellement. Mais il n'y a rien d'inquiétant encore à l'heure actuelle. Bernie, on t'a ouais. pas trop entendu à part pour charrier tout le monde tout à l'heure. Non, mais j'écoutais le professionnel. Là, par contre, où je suis pas d'accord avec toi... Le prénom, c'est... Vas-y, refais. Ton prénom... Rémi. Rémi, voilà. Rémi, je suis pas d'accord avec toi sur juste ta dernière partie. Ce week-end, Nancy se déplace à Metz. Et je pense que là, ça peut avoir un effet psychologique. Si Nancy s'impose à Metz et que Dijon perd contre Bordeaux, du coup, il n'y a plus l'avantage du point, malgré le calendrier qui est beaucoup plus favorable, puisqu'après Nancy, même si c'est à la maison, va recevoir Monaco et Saint-Etienne. Mais je pense que ce week-end peut être décisif dans les têtes. Ouais, enfin, faut pas oublier que Nancy viendra à Dijon. Ouais, des déplacements, c'est dur à gérer. Si Dijon perd et si Nancy gagne à Metz, on sait la rivalité qui existe là-haut, oui. Dans le Nord-Est, je pense que les Messins, s'ils peuvent envoyer leurs petits copains en Ligue 2, ils vont pas se priver. Hein. Ah oui, non, mais après, en termes de rivalité, après la dynamique des deux équipes, parce que bon, ça va se jouer entre les deux, c'est exactement la même sur les 5 derniers matchs. Donc, 3 défaites annulent une victoire. Pour moi, c'est. Ce sera pas le match charnière ce week-end puisqu'il y a une finale avec un match donc Dijon-Nancy, mais ça peut valoir son petit pesant d'or pour moi dans le maintien. Ouais, mais encore une fois, rien ne sera pas. Il y aura que 3 points, le goal average pour Dijon. Ça risque de jouer jusqu'à la dernière journée de cette histoire. Ah bah ça oui. Oui, c'est sûr. La dernière journée ou avant-dernière journée, non. Si jamais ça tourne bien en faveur d'un des deux clubs. Pour toi, est-ce que le résultat de ce week-end, s'il est négatif, aura une incidence forte sur la fin de saison de Dijon, dans la dynamique, dans les points? Ou est-ce que, comme vous jouez la troisième équipe des matchs de 2017, il y aura quand même un certain recul? Je pose la question pertinemment en disant que nous, je sais très bien que Bordeaux, on joue Monaco, on joue Paris, si on perd, on a perdu, c'est cool, mais c'était prévu. Donc est-ce que pour vous, dans la tête, le match de Bordeaux, c'est un match où c'est zéro point, et puis s'il y a quelque chose en plus, tant mieux, ou est-ce qu'il faut forcément prendre des points dans la tête des joueurs? Dans la tête des joueurs, ils veulent prendre des points, c'est-à-dire ils veulent faire le plein à domicile. Hein. Ça, c'est pas bien qu'à l'extérieur, c'est pas forcément brillant, donc il faut passer par des succès devant le public à Gaston-Gérard. Après, je pense qu'encore une fois, s'ils perdent, ils n'en sont pas encore toute une montagne, il n'y aura pas la crise au sein du club. C'est un club qui est familial, donc ils resteront soudés et ils iront chercher des points après. Je pense pas que ce soit la crise s'il y a défaite ce week-end. Non. On va passer un petit peu du côté des Girondins de Bordeaux pour avoir ton avis et puis pouvoir te libérer derrière. Bordeaux, troisième équipe de Ligue 1. Alors, il y a une petite comparaison que je voulais quand même faire sur le match. Je me suis amusé à regarder le classement du championnat si les matchs allaient de la première à la 45e minute ou de la 45e minute à la 90e. En première mi-temps, Dijon serait devant Bordeaux puisque Dijon serait 5e de Ligue 1 avec 51 points. Bordeaux serait 6e avec 48 points. Là où sur les matchs de la deuxième mi-temps, Bordeaux c'est 13e avec 49 points, donc quand même régulier que ce soit la première ou la seconde mi-temps, alors que Dijon serait 19e avec 29 points. Vous auriez perdu 21 matchs, vous en auriez gagné seulement que 8 pour 5 nuls. Là où sur la première mi-temps, vous en auriez gagné 11, 18 nuls et seulement 5 défaites. Il y a une attention particulière à bien finir sur ce match-là et à attaquer fort de la part de Dijon, ou est-ce qu'on essaye de changer les mentalités? Bon, écoute, c'est pas les questions ne sont pas posées comme ça aujourd'hui en conférence de presse. Hein. Oui, c'est un mal qui est revenu plusieurs fois dans la saison, donc contre Bordeaux, contre Montpellier, contre Guingamp, contre Saint-Étienne, contre Lyon. Dans le dernier quart d'heure, Dijon a laissé passer énormément de points en route. Donc, est-ce que c'est dans les têtes? Est-ce que c'est le hasard? Je pense que quand le scénario est prêt, ce n'est pas forcément le hasard. Parce que je veux pas être encore plus méchant, mais si je mets ce raisonnement de la 20e à la 34e journée, donc juste sur 2017, autant sur la première partie de saison, vous êtes 3e de Ligue 1 devant Bordeaux qui est 4e. Non, vous êtes 2e, pardon, de Ligue 1 devant Monaco et devant les Girondins de Bordeaux. Par contre, sur la deuxième mi-temps, vous êtes bon dernier. Avec sur 15 matchs, 5 points pris, c'est que défaite à part une victoire et 2 nuls. Donc c'est vrai, on a quand même l'impression qu'il va bien falloir commencer côté Dijonais et veiller à bien terminer, là où Bordeaux est en ce moment plutôt en forme dans ses fins de match. Dernière petite confrontation, puisque je voulais voir l'historique entre Dijon et Bordeaux et quelques petites stats avant le début du match. La moyenne de buts marqués à domicile par Dijon est de 1,5 but. Pareil pour Bordeaux à l'extérieur. Quand Dijon marque le premier but et quand Bordeaux marque le premier but, les incidences sont quasiment la même. Alors à chaque fois, Dijon c'est à domicile et Bordeaux c'est à extérieur, hein. Puisque Dijon c'est 5 victoires pour 1 nul et 0 défaite, et Bordeaux c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Lorsque Dijon encaisse le premier but, généralement vous perdez pour une victoire, 2 nuls et 6 défaites. Et Bordeaux c'est à peu près pareil, puisque c'est une victoire, 3 nuls et 4 défaites. J'ai envie de dire que cette histoire, ça sent pas bon, parce que ça sent quand même le bon match bien pourri qui va se terminer sur un 1-0, sachant que si on regarde les confrontations entre les deux clubs, c'est pas compliqué. Bordeaux n'a jamais gagné à Dijon, puisque le bilan est pas très compliqué. 2011. Ouais, il y a eu en 2011 victoire 2-0. Il y a eu aussi en Coupe de la Ligue en 2004. Et oui, on a gagné. Voilà, où on gagne aux prolongations, sur penalty, vous étiez allé gagner. Après prolongation, j'ai confondu le A avec un S. Vous aviez gagné 2-1 à la fin, puisque vous avez marqué le but sur les prolongations. Ouais, mais ce match-là, il compte pas, c'est un vieux. Ouais, mais en 2011, ça commence à être un vieux aussi. Juste, si tu t'as, avant qu'on parle des Girondins de Bordeaux, si tu devais faire un petit pronostic, tu choisirais quoi avec impartialité? Avec un... bah, de toute façon, je suis journaliste, je dois être impartial. Non, mais ah, non. Crédibilité. Non. On a dit. Après, honnêtement, Dijon, c'est impossible à pronostiquer cette saison. Ils ont fait match nul à la maison contre Monaco, ils ont fait faire match nul au Vélodrome à Marseille et perdre la journée d'après à la maison contre Bastia. Pronostiquer. Et puis, c'est Kir. 2 ouais. à 0. Ouais, ils finissent à 11 en plus, Bastia. Je comprends pas ça. Non, 2-1, pas 2-0, 2-1. Ouais, mais ils finissent à 11, Bastia. Je sais pas comment ils finissent à 11. Parce que d'habitude, ils finissent. Non, mais ils finissent toujours à 10, Bastia, ou à 9. Là, ils ont même fini ce match avec 0 carton jaune. Ouais, je comprends pas comment on a pu laisser faire ça. Ouais, c'est un petit peu ce que. Même les dirigeants avaient un peu du mal à comprendre. On avait l'impression que c'était un match sans envie. Enfin, pas sans envie, parce que tu peux pas ne pas avoir envie, mais. Il y a eu un raté, ce match-là, c'est le match qui fait tape noire sur cette fin de saison. C'est un bon match. Ouais, pour un pronostic, bah, pour me mouiller. Et parce que je préfère rejouer l'année prochaine, courir des matchs à Bordeaux plutôt qu'aller, avec tout respect que j'ai, à Niort ou Clermont, une petite victoire dijonnaise pour un gros squat quand même. Le stade est plus sympa en plus. Comment ? Le stade est plus sympa. Ouais, bah le stade est plus sympa, puis le niveau du foot est quand même plus sympa, mais. Encore une fois, c'est sans animosité envers les deux clubs que j'ai cités, j'aurais pu en citer d'autres. Non, on va dire une victoire dijonnaise, 1-0 avec un but de Diony sur une passe de Fnello. C'est beau. Sans provocation. Puis. Alors, non. Juste, petit point sur le match de Lyon. Lyon mène 2-0, ils se sont déjà pris deux jeunes, puisque Gonalon, Fekir et Valbuena ont marqué. Valbuena a marqué et Fekir Gonalon aussi. Gonalon et Fekir et Valbuena ont marqué. Non. Et 2-0. Gonalon, Fekir et Valbuena ont été avertis, sachant que Fekir et Valbuena ont marqué. C'est mieux. Sachant que les stats, c'est pas compliqué. Lyon a tiré deux fois, a cadré deux fois, a marqué deux fois. Voilà. C'est bien. Là où Angers a tiré 11 fois pour 4 frappes cadrées. Ils sont dominés en plus. Ouais, mais ils perdent pas, ils gagnent 2-0. D'ailleurs, ils sont à la maison. Ben, on va en parler de Bordeaux, on va y venir. Bordeaux qui donc va se déplacer à Dijon dans l'obligation de gagner pour récupérer la seconde place, puisque vu comment c'est parti, la quatrième place, je dis quoi, la seconde place? T'as dit la seconde. Ouais, ça c'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine ça. Obligé de gagner pour récupérer la quatrième place. Marseille jouera avant et peut mettre la pression à Bordeaux. Comment tu juges la saison bordelaise et plus particulièrement la deuxième partie de saison bordelaise? Puisque Bordeaux, sur les matchs retour, est 3ème de Ligue 1. Ouais, bah, t'as tout résumé en disant ça. Hein. Bordeaux, c'est une équipe qui est en grande forme en ce moment, qui épate même par la qualité de son jeu. C'est peut-être pas le bon moment pour les prendre, mais... ça, c'est sûr. Mais non, c'est sympa. Il a fallu que Jocelyn Gourvennec impose ses idées, je pense, en arrivant du côté du Bayern chez vous. Et puis, bah, petit à petit, il fait son trou. Je pense que le recrue d'hiver, cet hiver avec Younous Sankaré, a été plutôt il a vraiment apporté en rejoignant, et puis bah on sent une équipe solide et surtout en confiance à l'heure actuelle, donc ils méritent leur dynamique, on va dire. Alors si tu juste avant de te libérer, je vais te poser la question qu'on a posée sur le chat de sur le Facebook, voilà, je vais y arriver, sur le Twitter de l'émission, j'en ai pas fait un jeu juste. On a demandé aux supporters dans quels états ils étaient. Est-ce qu'ils étaient confiants par rapport à la bonne dynamique? Est-ce qu'ils étaient exigeants en espérant une victoire et la manière? Ou est-ce qu'ils étaient inquiets puisqu'ils se méfiaient de Dijon? 44% des supporters ont confiance, 24% sont exigeants et 32% voient quand même le match avec inquiétude. Est-ce que tu trouves que c'est normal de la part des supporters de bordelais de... Au final, il n'y a pas tant de confiance quand même. Il y a une certaine exigence de demande de victoire, mais la confiance n'est même pas la présente à moitié, quoi. Et ouais, une personne sur trois est inquiet avant le match à Dijon. Ouais, je pense qu'ils se souviennent des matchs et en championnat et en Coupe de France où Dijon avait livré des belles prestations. Donc, je pense que les supporters bordelais ont encore ça en mémoire et ils se disent que Dijon, bah, voilà, c'est une équipe qui est chiante à jouer et qui peut poser des soucis, notamment avec ses joueurs offensifs. Je pense que la méfiance vient de là. Ok, et donc on va te libérer pour que tu puisses retourner à ta soirée. Juste en parlant quand même des trophées UNFP, puisque vous avez votre gardien qui est présent dans la liste. Déjà, comment ça a été reçu cette nomination du côté de Dijon? Et est-ce que pour toi, c'est l'un des favoris? Ou est-ce qu'il n'y a aucune chance qu'il gagne ou pas? C'est une fierté pour le club, hein, puisque c'est vraiment la deuxième saison en Ligue 1 de l'histoire du club, et et avoir un joueur mis en avant, c'est une super nouvelle pour le club. Faut pas oublier qu'en dernier, il avait gagné déjà le trophée UNFP en Ligue 2, certes, que de la Ligue 2 entre guillemets. Mais c'est un gardien qui est en pleine bourre, qui réalise une saison exceptionnelle, il a sauvé énormément d'autres points à Dijon. Est-ce qu'il aurait ses chances? Oui, si c'était pas les supporters qui votaient. Aujourd'hui, c'est les supporters qui votent pour ça? Ouais, je crois bien, non? Non, Gourvenec a dit le contraire en conférence de presse. Que c'est des joueurs. C'est les joueurs. C'est les joueurs qui votent. Oui. Ouais. Ouais, bon, à voir. C'est vrai qu'il a, il les a impressionnés, a priori, puisqu'il est quand même dans les 4, sachant que Dijon, c'est 18ème de Ligue 1. Donc, c'est qu'il leur a laissé des mauvais souvenirs. Mais il le mérite, mais bon. Après, il y a quand même de grands gardiens en face aussi. Voilà, donc, il a quand même un gardien de Monaco qui est leader du championnat. Ça attrape le PSG avec l'image du PSG. Et le dernier, c'est Anthony Lopez qui est peut-être décrié de temps en temps, mais c'est une belle saison. Donc, il y a quand même des concurrents face à lui, quoi. C'est lui qui a en tout cas le nom le moins ronflant, mais bon, il réalise une très belle saison. Et je pense qu'il aurait déjà, rien que le fait d'être nominé, mis en avant et sa prestation. Allô. Ok. Allô. Oui, on te reçoit quand même très très très mal. Je sais pas comment est la 4G à Dijon. Non, je pense que c'est mon téléphone qui déconne. Ok. On va te remercier. Merci pour le temps que tu nous as consacré. On te souhaite un bon match dimanche. Et je suis désolé, on te souhaite une défaite, mais de te sauver en fin de saison. Voilà. Nous, on a trop besoin des 3 points. Désolé. C'est les joueurs qui te sauveront, au moins. Je ne fais que les couvrir et écrire sur leur passeport. Ouais, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même plus sympa d'aller au Vélodrome, d'aller... Que d'aller à Clermont. Voilà. Ouais, ça, c'est sûr. Encore une fois, sans aucune animosité envers Clermont. Oui, on les aime bien. Il est sympa leur stade, mais bon, quand même. Ouais, c'est surtout qu'il n'y a rien à faire là-bas. Passe une bonne soirée. Nous, on peut le dire, on n'est pas journaliste, donc ça va, on risque rien. On parle pour tout le monde. Passe une bonne soirée. Si lundi, tu es dispo pour l'après-match, ça sera avec grand plaisir. Ça va. Bonne soirée, messieurs. Bonne fin d'émission. Bonne merci soirée. À bientôt. Au revoir. Bon, messieurs, on a pu écouter religieusement ce que notre confrère... Enfin, mon frère est un mot un peu fort parce que lui a eu vraiment une carte de presse. Penser du côté comment on ressentait le match côté Dijonais. Il y a quand même un peu d'espoir côté Dijon. C'est un peu un petit peu ce que le cousin de Stromae nous dit en studio. Sans déconner, moi j'ai écouté ton sondage et je ne lui ai pas coupé la parole, mais c'est honteux ce sondage. 32% ou 34% ont peur, mais ils ont peur de quoi? Sans déconner, vous avez peur de quoi? De Dioni qui a mis 10 buts? Non, mais je comprends. Enfin, si... Mais tu comprends quoi? Ils ont pas gagné un match. Ils ont gagné un match sur les 5 derniers. Ils sont dans une spirale dégueulasse. Ils sont pas bons. Alors, moi, quand tout le monde tout à l'heure s'est astiqué le poireau, ouais, beau jeu, mais beau jeu de quoi? Le beau jeu, c'était les stacks avant. Dijon ne m'a pas fait. Et le seul match où ils m'ont fait rêver, c'est contre Lyon. Ah, bah forcément. Après, tous les matchs. Non, mais même pas parce que c'est Lyon. Parce que je trouve que le but de Lesmelou, très très bien. Ils font pas plus bander que le Stade Malherbe de Caen, que Nancy et tout. Nancy joue mieux pour moi que Dijon. Pour moi, Nancy joue mieux que Dijon. Ah, les mecs, on sait. Mais non. Attends, on s'enthousiasme sur Nancy et sur Dijon, mais sans déconner. Bah, heureusement. Non. Mais on c'est nul. On s'enthousiasme pas sur Dijon, on s'enthousiasme sur Bordeaux. Si, on s'enthousiasme sur Dijon. 32% ont peur, mais sans déconner. Bah, même Baptiste René au trophée UNFP, j'ai cru que j'allais tomber de mon fauteuil. Oh putain, non, c'est sûr que ça va, Bernie? T'as passé une bonne journée? Non, mais ça va très très bien. D'accord. Ruffier, il est absent. Carasso, il est absent. Moi, je t'en mets 15 000 encore avant. René est bon, hein, mais il a rien à foutre dans les 4 meilleurs. Carasso, non plus. Trapp a rien à foutre, mais Trapp, vu que c'est le truc du PSG, donc il y sera. Carasso n'a rien à faire là-bas. Parce qu'il s'est blessé. Le meilleur gardien du championnat de France, c'est Ruffier. Oui. Oui, là-dessus, on est d'accord. Ouais. Et enfin, même Pelé était pour moi plus décisif dans les matchs que René, tu vois. Non, mais parce qu'il a plus sauvé les meules à Marseille que René les a sauvés à Dijon. Parce qu'il a fait un paquet de bourdes aussi, Baptiste René. Alors là, il va falloir que tu fermes ta gueule, parce qu'en plus, il doit être déçu, parce qu'il n'y a que moi. C'est vraiment con. Hein? Puisque Clément est en studio. Clément est là. Clément, le mec de... La valse, non. De France, de l'Est, est là. comment tu vas, mon petit? Ben, nickel, bonsoir à tous. Ça fait super plaisir de retrouver cette table, ce micro. Bon, des têtes un peu inconnues pour l'instant, mais... sauf... Enfin voilà, non, super content de. Mais inconnu ce soir parce que personne n'était là. Donc, tu vois, on était deux de GA, on a appelé Bernie Tu vois, on lui a dit, on lui a jeté des fleurs, on lui a dit viens, t'es important, tu parles bien, alors que c'est pas le cas, mais on lui a quand même dit de venir. Et puis on a un supporter de Dijon qui était là, donc autant te dire que... Oh merde, putain, j'aurais dû rester devant Laval, quoi, sans déconner. Enfin non, puis si je joue lundi, j'ai des conneries. Enfin bref, préparez-vous, je vais mettre mon casque, moi. Pas de soucis. Mec, il est essoufflé, apparemment il est venu en marathon, il est venu en courant. En vélo. Oh, putain. En vélo et en plus, Marco, t'es un menteur, t'as dit qu'il te fallait du monde et j'ai dit oui direct. Par contre, il y a tout sur la table, je sais pas ce que tu viens... Il y a l'embout, il y a tout sur la table. T'es branché, t'as plus qu'à cliquer ton... Mais c'est le talent. Oui, je te dis, on a tout fait pour que tu viennes et en plus t'as répondu oui. Et on a dit, il faut que tu viennes, c'est important. Non, t'as pas dit ça, menteur. T'as dit, les mecs, est-ce qu'il y a quelqu'un de dispo? Je t'ai dit oui. Voilà, mais c'est ça, quelqu'un de dispo. Mais essaye pas de noyer le passion avec le poisson avec ses trophées UNFP. De noyer, oui, parce que oui, mais c'est quoi ça vaut Baptiste Rédé dans les cadres de l'UNFP, noyer le poisson. Exactement. Sans déconner. Vous parlez de Dijon, du coup, messieurs. Mais ils sont en train de se. Alors. Des enfants, ils s'astiquent le manche sur Dijon. Et ça fait du beau sur jeu. Sur Dijon Est-ce que ça te ferait pas mal au cœur qu'une équipe qui joue bien au foot aille en Ligue 2? Dijon, ça joue pas bien au foot. Alors là, arrêtez vos conneries, ça doit faire 2-3 bons matchs dans l'année, mais c'est tout. L'Estac de Furlan, ça joue au foot. Mais ça, Dijon, c'est aussi bon que Nancy. Moi, je préfère le jeu de Nancy. Mais ben oui, les mecs. Mais vous tapez le chip sur de la moutarde. Après, franchement, voilà, Dijon, ça vend pas. Ils sont combien actuellement? 18e. 18e, ouais, ça vend pas spécial. Moi, j'ai l'impression qu'on a souvent peur, en fait, des petits qui jouent contre nous et qu'on se rend pas compte, en fait, de nos forces à nous aussi. Ils sont nuls. Il y a une époque, on disait qu'on avait que Debrel et tout dans notre équipe, ce qui était vrai, hein, on va pas se mentir. Mais Dijon, c'est pas non plus du feu de Dieu. Enfin, bon, après, on joue là-bas, c'est toujours compliqué d'aller à l'extérieur. Je me souviens que la dernière fois qu'ils étaient en Ligue 1, on avait perdu 2-0 là-bas, je crois. Ouais, ouais. Donc, faut se méfier, c'est forcément pas évident. Mais. Bon, après, c'est vrai que vu la forme du moment, etc., moi, je suis pas spécialement craintif non plus. Je te dis, je suis pas non plus craintif. Hein. Je préfère jouer Dijon que jouer le PSG, et même Saint-Etienne. Après. Saint-Etienne, c'est un peu la même misère que Dijon. Hein. C'est même pire, je pense. Non, après, c'est vrai que. À Dijon, je trouve quand même qu'on essaie de jouer au football. C'est une équipe offensive déjà. Voilà. C'est une équipe plutôt offensive déjà. Ça après, marche c'est plutôt quelque des chose bêtes, qui va. Non, t'es pas du tout offensif. Ouais, Diony, Tavares, ça marche. Mais j'ai pas dormi. Je me suis fait les statistiques, les gars, sans déconner. Combien Diony, Tavares, Lesmelou. 7 victoires. 7 victoires. 11 nuls, 16 défaites. Et du coup, combien de buts pour niveau attaque Alors là, il y a que le moins 10, mais sur les 16 derniers matchs, ils ont marqué 22 ou 23 buts, ils en ont pris 25 ou 26. Mais on a une défense en mousse par contre, ça c'est vrai. Ah bah alors. Moi, c'est surtout ça. Alors pourtant, t'as le meilleur gardien dans les cadres de l'UNFP. Oui, mais. Normalement, un gardien, ça fait pas tout. Dijon a marqué. Rien à foutre là. Dijon a marqué 44 buts. Ouais. Voilà. Et ils là ont où 54. Les autres, ils en ont pris 54. Mais bien, tu sais faire moins. Ouais, je sais faire plus. 10. Bravo, mais quand tu vois le niveau des attaques, ça reste l'une des meilleures attaques de. Ouais, on doit être 8e ou 9e. Bien attaque, sûr, ça. Tout est à comparer avec les équipes qu'ils ont. Ah voilà, c'est ce que j'allais te dire. Bien sûr. Ils ont la 8e attaque de Ligue 1. Ah, c'est-à-dire voilà. Qu'ils sont derrière Monaco, Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille et Montpellier. Jusque-là, c'est pas scandaleux. Mais ils sont devant Toulouse, ils sont devant Saint-Etienne, ils sont devant Guingamp, ils sont devant Lorient, ils sont devant Angers. Ce qui doit vouloir dire aussi qu'ils ont une défense, par contre. Mais ils ont une défense catastrophique. Qui est dégueulasse. Et moi, c'est là-dessus où le Bordeaux d'avant m'aurait fait peur parce que le Bordeaux. Je suis d'accord avec toi, exactement. Était capable de prendre des buts sur n'importe qui et avait du mal à en marquer. Le Bordeaux de maintenant, il en prend très peu et il en marque beaucoup. C'est sur ça que je me base. Alors juste Dijon est la 16e défense de Ligue 1. Donc je me dis quelque part, la force de Bordeaux, elle est là-dedans. Moi, je comprends pas les gens qui sont méfiants. Il faut respecter l'adversaire. Il faut pas croire que le match est gagné d'avance sans rien faire. Mais avec tout le respect que j'ai pour Dijon, j'arrive pas. Ce match, on doit rentrer avec 3 points. Ça doit être l'objectif. Et surtout si tu veux jouer l'Europe. Quand tu joues le 18e, forcément, tu dois avoir des ambitions. Quand t'es 4e, toujours. Lyon n'a pas encore joué. Lyon est en train de gagner 2-0. Ah, d'accord. Bon. Mais toujours est-il que. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on parlait de ce Bordeaux qui avait du mal contre les petits, comme ça, qui était regroupé véritablement à faire la différence. Cette année, force est de constater que c'est plutôt contre les gros qu'on a eu du mal, au final. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs, parce qu'au final, quand on regarde bien, il y a plus de petits que de gros dans cette histoire-là. Donc ça veut dire que, au classement, ça se vérifie, vu qu'on est vachement plus haut. Et moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Marc. Je pense que c'est typiquement un match il y a 2-3 ans qui m'aurait vraiment fait peur parce que justement on n'arrivait pas à les prendre ces équipes là, on n'arrivait pas en fait à forcer lorsqu'elles se mettaient derrière et qu'elles jouaient regroupées. Aujourd'hui c'est pas le cas et moi franchement vu les dynamiques qui sont actuellement, faut pas oublier un truc, c'est que Dijon, on peut dire qu'ils sont forts offensivement, on peut dire que Dijon ils sont 18e à 4-5 journées de la fin. Et Dijon, ils vont avoir peur aussi. Et surtout, à domicile, comme ça, ils vont se dire que jouer Bordeaux, j'imagine que c'est pas évident non plus pour eux à gérer, quoi. C'est-à-dire que, aussi fort qu'ils puissent être, etc., ils doivent commencer aussi à avoir un peu chaud aux fesses, quoi. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, oui, c'est que sûr. Que Dijon, c'est nul. Mais disons que si Dijon marque le premier but, on va dire qu'il y aura du match. Par contre, j'ai l'impression que si Bordeaux marque le premier but... ça va vite se c'est compliquer plié, quand même sûr. Sur Dijon. Et Marco, t'as dit que c'était la 6e meilleure défense. Non. J'ai pas entendu de ce que t'as quand t'as dit 8e. Ah ouais, bah 16e, voilà. C'est 8e meilleure attaque si j'ai bien. Ouais, c'est ça, 8e meilleure attaque de Ligue 1. Et j'ai regardé, je me suis amusé à faire la même chose en 2017. Là où Bordeaux est la 3e attaque de Ligue 1 avec 29 buts marqués en 15 journées, Dijon est la 11e avec seulement 18 en 15 journées. Voilà, ça reste, on va dire, correct hein, pour un relégué, mais ils font aussi bien que Saint-Etienne. Ils sont pas relégués, Marc, justement. Pas un relégable. Un relégable. Un pré-relégable. Un barragiste. Un barragiste. Donc ils font aussi bien que Saint-Etienne. Je sais pas si faire aussi bien que Saint-Etienne est un gage de qualité. Mais là où Bordeaux est aussi la 3e meilleure défense avec 13 buts encaissés en 15 matchs, Dijon est la 14e défense avec 25 buts encaissés en 15 matchs. C'est sur la dynamique, c'est pour ça. Moi j'arrive pas à comprendre les Bordelais qui stressent avant ce match là il faut respecter l'adversaire, mais si Bordeaux fait le boulot, Bordeaux se doit gagner. Maintenant si Bordeaux fait le même boulot que contre Angers, c'est sur ces points là en fait. C'est pas vraiment Dijon qui fait peur, c'est surtout le comportement de Bordeaux qui risque de faire peur. Maintenant on voit quand même que depuis 2017 Bordeaux, justement, ce genre de choses, a progressé. Donc, il faut aussi être confiant. Et moi, j'ai plutôt tendance à voter victoire et manière. Parce que c'est sur ce genre de match où il faut un petit peu contre une équipe qui, justement, ne refuse pas le jeu, qu'il faut aussi que Bordeaux fasse autre chose que ce qu'on a vu contre Bastia, que ce qu'on a vu contre Nantes. Pour moi, l'objectif, il est aussi là. Et d'aligner une 4e victoire d'affilée, ce qui doit remonter à très, très longtemps. Je suis en train d'essayer de chercher justement, mais c'est quoi leur dernier résultat à Dijon ? Dijon, ils ont gagné 3-2 contre Angers. Ouais. Et la dynamique sur les 5 derniers matchs, c'est quoi ? Et on perd contre Bastia, on fait nul à Marseille. Alors les matchs, vous perdez contre Monaco 2-1, donc ouais. On soit pas... Ce qui est normal. En fait. Voilà, vous encore perdez contre Bastia à la maison 2-1, ça c'est moins cool. Vous faites 1-1 à Marseille, ce qui est plutôt un bon résultat, et vous perdez 1-0 contre Saint-Etienne. À domicile ? À domicile. Ah, Marseille. Où c'est que tu vois ça, toi ? Dijon-Marseille, 1-1. Ouais, 8 de... Certic contre son camp. Ah oui. Et Payet sur coup franc. Je me souviens d'avoir rigolé, genre là, ouais. D'accord, ok, très bien. Mais... toi aussi. Mais du coup, Dijon, ça joue comment en ce moment ? C'est moche, toi. Non, c'est... C'est moche. Mais c'est... 5 matchs, sur les 5 derniers matchs, tu marques 6 buts, t'en prends 8 et tu fais qu'une seule victoire. On a une défense en main aussi. Pour 3 défaites. Mais tu peux pas toujours te cacher derrière une défense. Dans Bernier, attends, je veux pas défendre parce que c'est mon pote aussi, mais je vais pas le défendre. Mais. Et bah alors ta gueule. Donc tu préfères voir une équipe qui attaque à tout va et qu'en prenne 8 à chaque match. Mais c'est pas une question d'attaque. Ah bah là, apparemment, les mecs ils attaquent à tout va, mais ils en prennent pas 8, non, mais ils en marquent pas plus. Hein. Ou à l'inverse, tu préférais voir comment il s'appelait qui défend. Tu préfères regarder jouer Angers alors. Que Dijon. Eh ben oui. Pas moi. Moi non plus. Mais après, c'est d'où le plaisir. C'est normal que toi tu préfères pas regarder Angers. Mais après, chacun son esthétique du football. Mais c'est pas une question d'esthétique. Mais il reste 4 matchs de championnat. Faut arrêter de se palucher sur l'esthétique. Oui, là, c'est sûr que maintenant, il faut être efficace. Là, faut arrêter. On te parle pas de l'esthétique sur ce match. On te dit que Dijon, ça joue mieux que Angers. Mais depuis le début de l'année, sors-moi 5 matchs où Dijon, t'as fait. Tu sais quoi, même 3 matchs où Dijon, t'as fait lever le bigoudi. Lyon, 1. Bah, Bordeaux, au match aller, c'était pas mal. Enfin, pas pour nous. Mais pour nous. Non, mais pour nous. Non, mais d'accord, le match était pourri, mais c'est pas forcément. Bernier, pour nous, c'était pas forcément. Tu dois, voilà, c'est ça. Il faut arriver à un moment où c'est la deuxième saison en Ligue 2 pour Dijon, en Ligue 1 pour l'existence du club. Faut aussi un minimum remettre les choses dans le contexte. C'est pas une question de contexte. Entre Dijon. Entre ce que fait Dijon cette année et ce que fait Nancy depuis quelques années, excuse-moi si je dois choisir une équipe à faire descendre, mon choix est fait, c'est dans ce sens-là. Après, et ton choix est fait par rapport à quoi ? Bah alors, quels sont tes arguments ? parce que c'est leur deuxième année en Ligue 1. Par rapport au jeu, donne-moi des arguments. Par rapport au jeu qu'ils pratiquaient, par rapport au fait qu'ils se mettent pas 15 derrière à chaque match, par rapport au fait qu'ils essayent d'aller chercher leurs adversaires, qu'ils essayent d'aller marquer plus de buts que l'adversaire. Alors oui, le calcul il va peut-être pas être bon à la fin de l'année s'ils descendent, parce que l'objectif c'est de se maintenir. Mais maintenant, moi je te dis en tant que non-supporter de Dijon et en non-supporter de toutes les autres équipes. Non. Et s'il y avait Marseille, je te dirais j'ai envie que c'est un Marseille qui descend, mais encore je suis même pas sûr. Mais là, vous à l'heure actuelle, vous êtes brouillé parce qu'il y a Johnny. Mais et j'ai, exactement, je suis en train parce de que je te non, le moi, jure, y a trois, je y a te le mois, jure je pas, que donc, Nancy joue aussi bien, minimum aussi bien que Dijon. Avec Correa et leur synthétique maintenant, ils jouent aussi bien. Moi, je vais être franc, j'en sais rien. Mais le truc que je veux dire, c'est que je pense effectivement que côté Girondin, on a une petite affection depuis le début de la saison parce qu'on voit Diony, qui est un ancien de chez nous, etc. Lesmelou, en fait, c'est deux gamins qui ont été formés ici, qui n'ont pas réussi, mais du coup, qu'on a suivi avec un peu avec intérêt. Je crois qu'on a une sorte de sympathie comme ça. Mais exactement, et du coup, t'es sympathique. Toi, après, le club de Dijon, il est sympathique. Je l'aime bien en soi, je m'en fous, tu vois. D'accord, même je connais bien Pierre, mais c'est pas pour autant que je vais dire que me font bander à chaque fois. Je préfère que Dijon reste en Ligue 1. Mais alors, mais sors-moi trois matchs où ils t'ont fait bander. Mais je t'ai pas dit trois matchs, mais. Eh ben, moi, Correa, je te le... ça fait 15 ans qu'il entraîne Nancy, ça fait 15 ans qu'on se fait chier. Mais tu regardes les matchs de Nancy ? Mais oh, ça y est. Mais je te pose une question. Mais quand tu regardes le, tu sais, le truc sur Bein Sport, il y a tous les clubs qui jouent en Ligue 1, tu vois rarement Nancy. Oui, c'est... et sur Canal, c'est étonnant. Hein. Mais Dijon, tu les vois pas plus. Hein. Sur le Pipex, ils apparaissent plus souvent. Il y a une année, ils ont fait que deux ans en Ligue 1. Vous venez de me manger le cerveau avec ça. Non, si, il y a une année, c'était pas mal. C'était l'année où je crois à Mikou, on marque de la. Où on gagne face à Nancy pour jouer la Ligue des Champions. Et peut-être, mais je m'en fous. C'est tout, la seule année. Sans s'en mêler, je te parle de cette année. Il reste 4 matchs. Arrêtez de vous palucher avec du beau jeu qui pour moi n'existe pas. Diony est très fort, oui. Lesmelou, je suis très étonné de son niveau, oui. Mais oublie pour moi, ça passera pas si oublie c'est deux là. Mais non, mais vous les oubliez pas les mecs. C'est pour moi, vous faites un truc comme ça parce qu'ils sont là-bas. Dijon, c'est un club un peu sympa et que Nancy, c'est un défaut de ma gueule parce qu'il y a Correa. Juste pour apporter un peu et de. Et l'année prochaine, je t'offre un abonnement pour aller à Angers, toi. Je te le dis. Mais paye-moi le trajet aussi, si tu veux. Mais tu parles de beaux jeux. C'est vrai que je suis devant les stats de Dijon. J'ai quand même beaucoup de rouge. J'ai ce 4-2 contre Lyon. J'ai ce 3-0 contre Rennes. Ça fait déjà deux matchs. Mais c'est vrai qu'après, j'ai du mal à voir des lignes vertes. La dernière, contre Angers. Contre Monaco, ils ont fait un super match. Oui, bah ça, oui. Et ben, Nancy, contre Marseille, ils ont fait un super match. Saint-Etienne aussi. Mais me force pas. Je vais regarder Nancy parce Marseille, que moi aussi, je te sens où ils ont fait des super matchs. À Marseille, ils ont fait un bon match. Nancy. Nous, Dijon, à Marseille, on fait un bon match. Dijon-Marseille, sincèrement, je préfère aller au resto. Joss, je sais pas qui, il se faisait chier à commenter le match, sans déconner. Entre qui et qui ? Dijon, Nancy et Marseille. Mais attends, mais moi aussi, je vais te sortir les statistiques, le calendrier, où après, je vais voir autant juste, de verres. Juste pour revenir. Et après, je dis pas ça parce que c'est mon pote, je perds. Si, tu dis maintenant, ça parce que c'est Dijon ton pote. Et l'équipe est la 19e équipe en termes de matchs gagnés, puisque Dijon n'a gagné que 7 matchs cette saison. Il y a aussi quand même dans le fait des 3 derniers que l'on a au championnat, ce sont les 3 équipes qui ont moins gagné de matchs cette saison. Oui, ce qui est logique. Avec la victoire à 3 points, forcément. Ça va vite. Hein. Et moi, c'est là aussi où je dis qu'il y a ce phénomène même mental qui va jouer. Toi, je ne sais pas comment est-ce que tu les sens, comment ça se passe dans ton club actuellement. Est-ce que vous avez un peu la trouille au ventre ou pas quand même par rapport à la fin de saison? Bah après, on sait qu'on est conscient que c'est des finales qu'on doit jouer si on veut se maintenir. Après, on est conscient aussi que la 18e place, on ne descend pas forcément en étant 18e. Donc, on vise la 17e place, mais être 18e, c'est pas forcément une catastrophe non plus. Parce que tu joues le barrage et le retour chez toi. Donc, Et est-ce que t'as pas des. Comment dire. Et Butendoy, réduction du score pour Angers à la 49e minute. Lyon ne mène plus que 2-1 et l'espoir et le sourire revient sur les visages girondins. Mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as senti, notamment dans ton équipe, peut-être ces derniers temps, justement, un peu de fébrilité, un peu de trucs comme ça. Tu sais, quand la fin de saison approche, que tu te dis, putain, hein. On l'a vu quand ils ont joué contre Angers, on l'a vu, ils ont pris deux buts en deux minutes alors qu'ils menaient 3-0. Et tu vois, ça c'est des trucs pour. Parce que bon, faut bien se rendre compte quand même que l'opposition qu'il va y avoir, c'est peut-être une équipe justement qui est un peu stressée. Contre une équipe quand même, la nôtre en ce moment qui est assez euphorique. Ouais, en 2017, je suis d'accord. Sankaré a beaucoup apporté au milieu de terrain avec Toulalan et Vada qui est complètement libéré et qui joue nettement mieux. Mais arrêtez de vouloir qu'on ramène aussi, ça peut-être aider. Mais vas-y. Oui, non, mais après, si on se refie au match aller. tout le monde disait que Bordeaux allait gagner ou que c'était plus ou moins difficile, et on s'est rendu compte que c'était vraiment vraiment difficile. Donc parce qu'on a marqué les premiers et qu'on a fait à peu près ce qu'il fallait. Après oui, évidemment, vous avez Cabano qui vous sort de but en 5 minutes à la fin du match, mais qui vous sauve, mais au fond, on a fait plus ou moins un bon match. Le scénario, parce que tout à l'heure, il fait quoi contre Dijon déjà? C'est vrai, je me souviens maintenant. La victoire 3-2 à la chatte absolue, là, tout ça. Exactement. Eh ben, qu'est-ce que t'en penses du même scénario pour dimanche, là? Non, ça te tente pas? Non, moi j'ai dit depuis le début que je misais sur un nul. Je misais sur un nul parce que j'estime que ça peut être... Non, mais j'estime que... Ça peut être si on marque les premiers, ça peut être un match compliqué. Maintenant, si vous marquez les premiers, le match, je pense qu'il peut être plié assez rapidement. Quand tu vois l'équipe, tu suis un peu les Girondins en ce moment ou pas? Ouais. Ouais. Quand tu vois l'équipe qu'on a actuellement, justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Sankar, avec Toulalan qui a retrouvé son niveau, avec Vada qui va bien, avec Camano, qui est peut-être un peu dans le creux de la vague, voilà, c'est exactement. Avec Malcolm qui revient bien, avec Laborde, quand même une équipe qui avance bien. Il y a quoi concrètement à Dijon pour croire par rapport à ça? Moi je te dis ça parce que quand tu vois les dynamiques, etc., moi je me dis, surtout si défensivement en plus vous êtes petit peu à la peine. On est à la rue, mais après c'est pas forcément. Je veux dire, oui, vous avez une équipe très forte depuis 2017, mais je pense que voilà, ça dépendra du scénario du match. On a quand même une bonne équipe, même si défensivement ça tient pas forcément la route. On a un bon gardien. C'est René. C'est toujours René. Ouais, c'est René qui joue. René, ouais. Et qui est capable à tous les matchs de te sortir un grand match. Et à Bastia, on fait 0-0. Il nous sort le match de sa vie, quoi. Donc, c'est quoi du coup tes points forts? Nous, j'ai envie de te dire, moi, si jamais je devais citer les points forts de Dijon, ce serait Les Melou et Diony, c'est les deux seuls que je connais. Non, Tavares et Diony est un duo d'attaque qui marche très bien. On a un milieu assez technique quand même, avec Abed et Les Melou aussi qui est très fort. Et puis un bon gardien, donc ça peut bien tourner pour nous, mais ça peut aussi très mal tourner. C'est du 50-50, ça dépend comment les joueurs vont aborder le match, et ça dépend aussi de l'envie des joueurs et du public s'ils ont envie de pousser, quoi. D'ailleurs, Cédric, nous on l'a pas fait, mais si tu avais un duel du match à deux matchs à nous proposer, ça serait entre qui? Parce que excuse-moi, je vais être honnête, mis à part Les Melou, Diony et René, on connaît mais j'avoue que ça joue mieux que Nancy. Tu connais que non Nancy. Après et Varro, pardon, qui a 40 ans. Quoi? Et Cédric Varro qui a 40 ans. Ancien de Saint-Etienne. Merci. Il avait pas 40 ans il y a 15 ans, Cédric Varro, non? Mais alors vas-y, du coup, donc ce serait... Ah, je pense que... Ton latéral droit, c'est qui? Parce que je pense qu'il va beaucoup souffrir. Latéral droit, c'est Shafik. Et Adadi à gauche. Latéral droit et gauche. Adadi à gauche. Non, après, c'est vrai que... Pour passer un peu plus loin, c'est vrai que ça va être compliqué pour Dijon. Il ne faut pas que les Dijonais se le cachent. Je pense que personne ne se le cache côté Dijonais. Après, Bordeaux, il y a des points, on en parlait tout à l'heure, et pour revenir un petit peu sur les Girondins de Bordeaux, il va peut-être falloir aussi que Bordeaux remontre qu'ils sont capables de dominer le match aussi par le jeu. Nantes, c'est un match compliqué avec une équipe qui était en forme. Les Corses nous ont attendu à 11 derrière dans les 30 derniers mètres, donc je peux concevoir que c'est difficile de trouver des espaces. Mais contre une équipe qui ne refuse pas le jeu et qui va vouloir jouer pour sauver sa peau en Ligue 1, il va falloir que Bordeaux montre que Bordeaux est 3ème de Ligue 1. Mais c'est sûr ça qu'ils vont vouloir jouer, Dijon? Oui, c'est sûr. On a 4 matchs et 4 finales. C'est le truc à vraiment pas faire ton côté. Enfin, moi, c'est mon avis. Même si je pense que c'est la défense en bois. On a domicile aussi. Et il faut savoir que c'est difficile d'aller jouer à Gaston Gérard. Je veux dire, Lyon a joué Monaco, on a fait nul chez nous. Marseille, on a fait gagner. Saint-Etienne, on a perdu 1-0. Je veux dire. Ah, mais justement, Saint-Etienne, si je comprends bien, c'était récent. Marseille, c'était quand? Marseille, c'était en début de saison. Là, c'est pas pareil que de jouer ça en fin de saison quand t'es 18ème contre Bordeaux qui est en pleine bourse, c'est pas la même, franchement. T'as une dynamique dégueulasse. Oui, enfin, on va pas se mentir quand même. Ouais, mais Monaco, ils ont été bons toute la saison. Sur les 16 derniers matchs, t'en as gagné que 3. Arrêtez de me. Monaco, ils ont été bons toute la saison. Eh ben, on a fait nul contre eux à la maison. Oui, non, mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Les dynamiques sont pas pareilles. Non, mais d'accord, mais la j'ai pas défense, j'ai... Elle est à la rue complète. J'ai pas dit qu'on allait gagner, j'ai dit qu'on faisait nul. Non, non, bien sûr, mais on entend bien. Non, mais c'est juste que quand tu parles, si tu veux, de jouer, moi je pense qu'en fait, il y a certaines saisons, nous on avait justement beaucoup de mal contre les équipes qui nous attendaient regroupées derrière. Et aujourd'hui, je me dis que si jamais vous voulez jouer, enfin, moi, ça. Pour moi, si jamais t'as une équipe joueuse en face, c'est-à-dire que t'as vraiment. Enfin. Je vois pas comment est-ce et que. Et puis à l'extérieur, ça fait quand même. Enfin, hormis le match de Nantes. Je le trouve arrogant, hein, mais. Non, mais hormis le match de Nantes, qui était pas forcément extraordinaire, à l'extérieur, ça fait longtemps que vous avez pas gagné non plus. Victoire à Lorient, la dernière journée, c'était Lorient, où vous avez gagné 3-2, je crois. Ouais, c'est possible, j'ai plus le calendrier en tête, là. C'était quoi qu'on avait joué ? Ah oui, bah voilà. Enfin. Le match de Lille à l'extérieur. Le seul bon match d'Ounas. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. À l'extérieur, à part le match de Nantes, où c'était un non-match et c'était un peu compliqué pour vous en première période, enfin, c'était pas non plus extraordinaire à l'extérieur. Hein. Après, à votre décharge, vous jouez quand même Monaco et Nice. Ça je reconnais que c'est pas forcément les pires équipes. Ouais, mais Angers en Coupe de France, enfin, vous faites tourner, mais bon, il y a moyen de mieux faire quand même. Du coup, donc le duel, tu nous as dit. Ah, le duel. Duel offensif, je pense que. René Laborde. non, mais je pense après, que. Non, après, il y a le fait que. Johnny Malcolm ou quelque chose comme ça, ou. Non, mais il parle d'un duel, pas. Nous, on a souvent tendance à opposer un duel entre deux personnes qui vont s'affronter. Là, ce sera un duel de la distance. Non, mais même Malcolm et Johnny, c'est pas les mêmes joueurs. Johnny non, mais en c'est pointe. Un duel de distance. Mais non, c'est Tavares qui joue en pointe. C'est Tavares qui joue en pointe. Johnny, il court autour de Tavares. Et Tavares, il joue. Et Gomez, il joue. Et Gomez, il joue. Parce que Gomez et Tavares. Non, plus jamais tu fais ça. Ça c'est un bide. Ça, je crois qu'on peut le dire là. J'ai là. Pas les jingles de Seb, mais c'est vrai que celui-là, c'est un bide. Bah, plus non, jamais tu fais ça. Tu mériterais d'être relégué en Ligue 2, toi aussi. Et sans barrage, mec. On t'est dit direct. C'est... Non, ce qu'on fait en général, c'est que Tavares est très bon de la tête. Et du coup, c'est un vrai numéro 9. Et Diony court autour de lui. Et on profite du coup de l'accélération de Diony et de sa vitesse. Et du coup, forcément, c'est un duo qui marche très bien. Et puis il y a les apports techniques du milieu de terrain aussi qui est très importante. Donc ça peut être un match soit vite plié ou soit très compliqué selon la motivation des joueurs. Je pense que t'as raison là-dessus. Moi je te dis, c'est juste que quand je vois les dynamiques actuelles, moi pour moi ce match-là, je vais te dire franchement, quand je regarde la fin de saison qu'on a, globalement c'est, enfin, si Bordeaux va être européen, va falloir que qu'on aille chercher les 3 points chez vous, et je pense sincèrement que si après, tu veux plus vous êtes joueur, vous faites Lorient quand même en dernière journée. S'ils sont pas maintenus, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, Lorient. Oui, s'ils sont oui, pas sauvés. Non, non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est. Enfin, je vois une équipe chez vous là quand même qui va. Enfin, c'est pour ça que je te parle de mental aussi, parce que je pense que c'est vraiment la donnée, tu sais, qui rentre en ligne de compte pas mal dans les 5 dernières journées. Ouais, vous êtes une équipe qui est promue cette année, ouais, hein, qui forcément y pense. Tu sais très bien quand tu commences ta saison, c'est un truc que t'es un petit peu dans le coin de la tête toute l'année, et où ça devient, il y a un moment, ça devient un peu lourd, surtout quand tu le joues le maintien au final, tu vois. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est compliqué. Et face à une. En fait, après, c'est vraiment quand tu as les dynamiques. Jouer, oui, non, mais sans doute. Écoute, moi je te souhaite que vous mainteniez, hein, voilà, et je pense qu'effectivement vous avez vos chances aussi, tu vois, il y a pire que vous. Maintenant le truc, c'est que quand tu vois les deux dynamiques d'équipe, quand tu vois les Bastien tout le trou est pire que toi. Quand tu vois les deux dynamiques, etc., ça risque d'être quand même très très très compliqué. Moi c'est vrai que j'ai l'impression juste, et ça c'est pour rejoindre ce que disaient un peu mes camarades tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec ça, que j'ai l'impression que nous côté bordelais, on a une petite sympathie pour Dijon depuis le début, etc., ouais, mais qu'il faut pas non plus les voir meilleur que ce que vous êtes et compagnie, même si jamais au match aller, comme tu le dis, vous nous aviez posé des problèmes, ça c'est certain. Mais je crois que c'est même Bordeaux. Des problèmes surtout. Ouais. C'est plus le même Bordeaux, c'est clairement ouais, pas. Oui, forcément. En Coupe de France, vous nous aviez posé des problèmes, mais je trouvais quand même que le. On avait fait tourner aussi. C'était fait. Oui, mais aussi. C'était un peu fait contre le sens du jeu. Voilà, je trouvais pas. Contre le coup. Enfin, moi, je me suis. Enfin, personnellement. Mais toi, c'est forcément. Non, je m'étais ennuyé, franchement, je m'étais ennuyé. Ouais, c'est quoi cet animateur? Oh le bâcheur! Je m'étais ennuyé en Coupe de France, mais après. Oui, j'y étais. Dijon qui vient à Bordeaux, c'est pas tous les jours non plus. C'est clair, hein, donc lui il est obligé d'aller voir les matchs. Hein. Il y en a deux depuis qu'il est né, donc forcément tu vas voir les matchs. Si on devait continuer le coup sur l'équipe qui va être alignée selon toi, ce sera quoi? Baptiste René dans les buts, Chafik à droite, défense centrale, Lyotès. Thiès, pardon, et Varro, et Haddadi à gauche, et Balmont. Tu m'étonnes que défensivement, vous n'êtes pas costaud, les mecs. Ah, mais oui, mais Jordan Lothiès. Ah, mais oui, mais forcément. Enfin, on a, c'est, pas, c'est ce que je dis. On a les fait... Chafik, il n'a pas joué à Ajaccio, un truc comme ça, non? Si. Ouais. Je crois que c'est ça. Ce qui me semblait. Ouais. On parle bien de. C'était le GFCA, là. GFCO. Ouais, c'est ça. Gazélec. Gazélec, voilà. Et puis, on a Balmont en 6. Et puis, on peut mettre Samaritano en 8 avec Lesmelou. Et puis, Diony et Tavares. Samaritano, c'est celui qui rentre en CP l'année prochaine, c'est ça? D'accord. Et donc, du coup, ensuite. Ça. Ouais, ça c'est léger, ça. Surtout quand tu dois pas être habitué à ce qu'on te la fasse. Tout à l'heure, on t'a parlé du point fort, du duel, etc. Et du coup, niveau point faible, excepté la défense. Tout le reste. Parce qu'on a beaucoup parlé. Je pense qu'effectivement, c'est votre principal. Mais est-ce qu'il y a un autre truc qui te ferait peur justement face à Bordeaux? Le fait qu'on n'arrive pas à gérer. Je pense que les points qu'on a perdus, c'est principalement de la gestion des matchs qu'on n'arrive pas à faire. C'est ce que je dis que quand on est mené, on n'arrive pas forcément à recoller et on abandonne tout de suite le match. Par contre, quand on mène, on arrive à tenir le match tout le match, et sauf les 10 dernières minutes où forcément il y a des assauts de partout parce que l'équipe veut égaliser, et puis dès qu'ils ont égalisé, on abandonne le match et on perd. Et si t'es honnête et que tu dois faire un pronostic, mis à part ton 1 partout que t'as dit ou si match nul, je sens qu'au fond, t'es honnête, t'es un mec bien, tu vas dire que Bordeaux va gagner. Non. Non, après, il faut que je reconnais que Bordeaux fait peur. Ça, c'est sûr que cette année, Bordeaux fait peur. Bordeaux fait plus peur qu'au match aller. Mais non, je pense qu'on a quand même nos chances. Je pense qu'on a quand même nos chances. Mais bon. Donc, tu vois un piteux 0-0. Non, partout. D'accord. Toi, Marco? Tu vois quoi? Moi, désolé, mais je vois une grosse victoire bordelaise. Grosse victoire, 3-0. 3-0, ça ferait mal quand même. Un bon vieux 2-0, moi, justement, pour les Girondins aussi. Désolé, hein, c'est pas. Ouais, mais bon, je me dis qu'en fait, Angers, c'est l'équipe parfaite à Bordeaux à l'heure actuelle pour se taper et pour se remettre bien avant le déplacement à Saint-Etienne. C'est horrible à dire, mais c'est l'équipe parfaite. Pardon, mais je dis Angers parce que j'ai le match de Angers devant les yeux. Mais quel gros naze, lui, sérieux. J'ai le match de Angers devant les yeux. Le micro. Et parce que tu voulais pas y aller. Ça aurait fait con que j'anime ton émission. Voilà. Angers. C'est qui ce génie? Angers, t'as 16 tirs pour 6 cadrés. Lyon, 5 pour 3 cadrés. Donc c'est juste que j'avais Angers, donc oui, c'est Dijon qui était l'équipe parfaite pour moi pour. Pour se remettre bien avant les deux combien, confrontations. Moi, j'ai dit 3-0, 3-1. Je vois Bordeaux marquer des buts. Moi, 3-1. Moi. 3-1, juste pour le fun. Comme ça, votre Johnny va marquer un but. Vous allez pouvoir vous pêcher et dire le que problème, c'est qu'on marque souvent. Pour la première fois de la soirée, je suis d'accord avec toi. Oh, merde. Bernie. On marque souvent, donc je pense qu'il y a moyen souvent, de marquer. Souvent, sur cette deuxième partie de saison, les stats, non, mais c'est pas réellement sur la saison en global. On marque 44 buts. Ouais, on marque... En 32 matchs. Plus d'un but par match, c'est quand en même... gros. Sinon tu t'appellerais Bastia et t'aurais Enzo Crivelli. Ah, mais c'est bon, non, c'est bien, moi ça me fait pas du tout peur. Alors comment t'aurais parlé d'un Bordeaux-Nancy si... toi depuis tout à l'heure, parce que... un Bordeaux-Nancy, mais je sais pas, ça dépend les formes du moment. Bordeaux-Nancy, et si tout à l'heure il bat de Nancy, c'est je bats pas Nancy parce que je t'ai déjà dit ce qu'on va faire c'est qu'il est 22h10, on va faire la pause parce que votre débat sur Nancy, mais on en a rien à foutre. Mais je t'aurais dit que c'est la même dynamique et je t'aurais dit la même chose, que Nancy c'est de la grosse merde et qu'il fallait pas aller avoir peur d'aller à Marcel Picot. Mais là c'est pareil, Marcel Picot et le synthétique en plus. Allez, on va faire un truc, on va tenter voir si le branchement de l'ordinateur fonctionne bien. Sinon, vous aurez la playlist de RIG pour vous accompagner pendant ces quelques minutes. Allez, à tout de suite sur RIG à Bordeaux 90.7 et sur le net sur rigfm.fr. On écoute le slash Snake Pit. Il a un accent, lui, de ouf. Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.